محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات auditeurs et auditrices qui nous suivent sur la chaîne du مركز الإمام الشافعي qui est dirigé par le noble cheikh أحمد بادوخ حفظه الله تعالى. Et donc ceci va être une modeste tentative de traduction approximative et résumée des propos du cheikh dans l'allocution qu'il nous a fait l'honneur de nous donner hier. Donc le cheikh, après avoir mentionné au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et après avoir loué Allah et attesté de son unicité, et invoqué en faveur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et avoir attesté de sa prophétie, il invoqua Allah afin que nous soyons de ceux qui bénéficient des propos que nous proférons, mais également des propos que nous entendons, et qu'il fasse, subhanahu wa ta'ala, que nos actes et nos paroles soient une preuve en notre faveur, et non pas à notre encontre. Il mentionna que le sujet de cette allocution est le sujet suivant, les signes du savoir bénéfique. Il mentionna qu'il n'y a pas de doute concernant le fait que la science légiférée, la science de l'islam, est un savoir qui, dans son entièreté, est bénéfique en lui-même. C'est le savoir qui fut hérité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la science du livre, c'est-à-dire du Coran et de la sunna, ainsi que la compréhension de ces deux sources. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque à l'égard duquel Allah aura voulu du bien, il lui accorde la compréhension de la religion. » Et ce hadith est rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari ainsi que dans le Sahih de l'imam Muslim. Et il mentionna, hafidhahullah, que le savoir islamique est toujours en lui-même bénéfique. Cependant, il se peut qu'une personne acquiert et obtienne une part de ce savoir, mais qu'elle n'en tire pas profit. C'est-à-dire qu'elle ne bénéficie pas de son savoir. Qu'elle ne se voit pas accorder le succès concernant la mise en application de ce savoir et d'avoir le noble comportement qui découle de son acquisition. Et Allah a rapporté dans le Coran l'histoire d'une personne ayant acquis une part du savoir, mais qui ne bénéficia pas de son savoir. Et la réalité également atteste de cela dans le sens où nous pouvons observer énormément de gens qui font partie de ceux qui s'affilient au savoir et qui font partie de ceux qui ont acquis le savoir, mais qui ne bénéficient pas de ce savoir qu'ils ont acquis. Et donc le cheikh a fait la mention du verset du Coran al-Karim de Surat al-Jumu'ah, dont le sens en français est le suivant. Ceux qui ont été chargés de la responsabilité vis-à-vis de la Torah, mais qui ne l'ont pas appliquée, sont similaires à l'âne qui porte des livres. Quel mauvais exemple que celui de ceux qui traitent de mensonges les versets d'Allah, et Allah ne guide point les gens qui sont injustes. Allah ici nous a informé du fait qu'il y a eu des gens parmi les gens du livre qui ont appris le savoir, qui fut transmis par le prophète Moussa, alayhi salatu wasalam, qui l'ont mémorisé, qui l'ont étudié, mais cette science ne leur fut pas bénéfique, car ils l'ont appris, mais ne l'ont pas appliqué. Il mentionna également la parole d'Allah dans la sourate Al-A'raf, le verset 175 et 176, dont le sens en français est le suivant, « Et raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avions donné nos signes, et qui s'en écarta. Le diable donc l'entraîna dans sa suite, et il devint ainsi du nombre des égarés. Et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements. Mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. » Le cheikh expliqua ce passage du Coran en expliquant que ce verset est un ordre adressé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il raconte le récit de cet homme qu'Allah a instruit, c'est-à-dire qui a acquis le savoir, qui l'a appris, qui l'a étudié, qui l'a compris, mais qui n'a pas appliqué ce savoir, n'a pas suivi ses enseignements. Concernant la seconde partie du verset, mentionnons « Et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements. » Ibn Kathir a expliqué ce verset en disant « Où nous l'aurions voulu, nous lui aurions accordé de pouvoir œuvrer pieusement. » Le cheikh, par la suite, mentionna le verset de Surat al-Jathir, le verset numéro 23, dont le sens en français est le suivant. « Vois-tu celui qui prend sa passion comme une divinité, comme sa propre divinité, et qu'Allah égare sciemment ?» Et le cheikh expliqua que l'individu concerné par ce verset, c'est quelqu'un qui a appris le savoir. Il est affilié au savoir, c'est-à-dire qu'on le considère, et les gens le considèrent, comme étant des gens de science. Cependant, Allah, à cet individu mentionné précédemment, Allah ne lui a pas cependant accordé de bénéficier des voies vers la réussite, de par l'intention corrompue qu'il avait dans son cœur. Et le cheikh expliqua que ces différents versets sont des preuves qui établissent que bien que le savoir islamique est bénéfique en lui-même, il existe des gens qui, malgré son acquisition, n'en bénéficieront pas. Et il rapporta une invocation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui fut rapporté par le noble compagnon Zayd ibn al-Arqam, radiallahu anhu, et qui est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim, dans cette narration dans laquelle il fut rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. C'est-à-dire, ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre une science qui ne bénéficie pas. Et il mentionna par la suite un autre hadith, rapporté par Ibn Majah dans son Sunan. Et ce hadith fut considéré par Cheikh Mohammed Nasr al-Din al-Albani comme étant bon. Et dans ce hadith, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, s'adressant à ses compagnons, radiallahu anhum, demandez à Allah qu'il vous accorde une science bénéfique et demandez à Allah qu'il vous préserve d'une science qui ne bénéficie pas. Et donc, parmi les enseignements que l'on tire, qu'il y a donc un savoir dont l'acquisition est bénéfique à l'individu, qui est une cause de bonheur dans cette vie pour celui qui l'acquiert et qui est pour lui une cause de salvation le jour de la résurrection. Également, on tire comme enseignement qu'il y a donc des individus qui apprennent le savoir, mais dont cette acquisition ne leur sera pas bénéfique. On tire également comme enseignement qu'il nous incombe donc d'implorer Allah, lui demandant de nous accorder la science bénéfique, qui nous est bénéfique dans cette vie, qui sera une cause de guidance, de mise en pratique et de constance sur la mise en pratique. Et ceci donc nous mène à la connaissance des signes de la science bénéfique. Comment une personne peut-elle savoir qu'elle a bénéficié du savoir qu'elle a acquis? Quels sont les signes distinctifs de cette science bénéfique? Et quelles sont les causes permettant à une personne de bénéficier de son savoir? C'est ce que nous allons aborder durant cette allocution, Inch'Allah. Nous demandons à Allah l'aide ainsi que la facilitation. Parmi les signes distinctifs du savoir bénéfique, que celui qui l'a acquis soit diligent concernant la concrétisation de la sincérité, al-ikhlas, dans sa quête du savoir, c'est-à-dire dans son apprentissage, ainsi que lors de son enseignement. Car l'apprentissage du savoir, ainsi que l'enseignement du savoir à autrui, sont tous deux des adorations. Et toute adoration accomplie par quelqu'un ne lui sera bénéfique qu'avec la sincérité. Donc sans sincérité, aucune adoration accomplie ne bénéficie en quoi que ce soit à celui qui l'aura accomplie. Donc celui qui viendra à se livrer à l'apprentissage sans être sincère, alors son savoir ne lui est pas bénéfique, quelle qu'en soit la proportion des sciences qu'il aura mémorisées, ou la proportion de sa connaissance du fiqh et des lois de l'islam. Et la sincérité est difficile à concrétiser, surtout dans des actes que l'on accomplit, dans lesquels on est bénéfique à autrui. La concrétisation de la sincérité est difficile. Comme l'ont mentionné certains parmi les pieux prédécesseurs de cette communauté, la chose la plus pénible pour l'âme à concrétiser est la sincérité, car l'âme n'y a aucune part. La sincérité consiste dans le fait que la personne ne désire pas par son savoir parvenir à des objectifs relatifs à ce bas monde, mais plutôt que son intention soit envers Allah et la demeure éternelle, c'est-à-dire l'au-delà. Et de ce fait, concrétiser la sincérité dans ce qui est relatif au savoir nécessite du serviteur qu'il fasse des efforts et qu'il lutte dans cette concrétisation. Un imam parmi les pieux prédécesseurs du nom de Mujahid ibn Jabr, rahimahullah, a dit: nous avons cherché à acquérir le savoir pour autre qu'Allah, c'est-à-dire au début. Mais le savoir refusa d'être acquis pour autre qu'Allah. Et l'imam Ahmed rahimahullah, a dit: l'acquisition de la science n'a aucun équivalent pour celui qui l'acquiert en ayant une intention correcte. Il fut alors questionné concernant cette intention. Comment faire en sorte qu'elle soit correcte? Ce à quoi elle répondit en disant qu'il ait comme intention lors de son acquisition d'enlever l'ignorance de sa personne ainsi que d'autrui. Parmi ce qui aide dans la concrétisation de la sincérité, il y a le fait que l'individu sache que la récompense, la rétribution, l'ennoblissement ainsi que la véritable éloge est celle d'Allah. Et qu'il sache que les éloges des gens n'élèveront pas un homme avili et que les blâmes des gens ne nuisent rien à un homme anobli et que ce bas monde est une jouissance éphémère. Parmi les signes distinctifs du savoir bénéfique, qu'il est une cause incitant celui qui l'a acquis à œuvrer pieusement, à craindre Allah, à avoir de la vénération envers lui et à ne pas dépasser les limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établies. Comme le mentionne le verset numéro 28 de Surat Fatir, dont le sens en français est le suivant: certes, ceux qui craignent véritablement Allah parmi ses serviteurs sont les savants. Et donc, si une personne est sincère et désire l'au-delà par son acquisition du savoir, plus il en obtiendra une part, c'est-à-dire plus il augmentera en savoir, plus sa crainte d'Allah sera grande. Et l'imam Ahmed rahimahullah, a dit: la base du savoir est la crainte d'Allah. Ensuite, le cheikh hafidhahullah ta'ala mentionna le propos de l'imam al-Dhahabi dans son livre sur les grands péchés, dans lequel il a mentionné: et certes, quiconque acquiert le savoir désirant l'au-delà, alors ce savoir l'altérera, littéralement le brisera. Son cœur sera plein d'humilité, son âme sera apaisée et il sera aux aguets concernant les états de son âme. L'expression l'altérera, littéralement le brisera, c'est-à-dire que cette science qu'il a acquise en étant sincère et en désirant l'au-delà par son acquisition, cette science l'éduquera. Ceci provoquera son éducation et l'empêchera d'assouvir ses pulsions vers l'illicite. Il mentionna l'autre propos de l'imam al-Zahabi dans son fameux livre de biographie Siyar A'lam al-Nubala, dans lequel il avait dit: et combien d'hommes ont proféré la vérité et ont ordonné l'accomplissement du convenable, mais Allah a fait qu'ils subirent le mal de la part d'individus les ayant dominés, et ceci de par leurs mauvaises intentions, de leur amour envers le leadership et de ce qui est, yani, leur amour envers le leadership dans ce qui est relatif à ce bas monde. Ceci est une maladie subtile qui s'est retrouvée dans le cœur des étudiants. Et certes, quiconque aura appris la science pour œuvrer, alors cette science le brisera, c'est-à-dire dans le sens l'altérera, et il pleurera sur son cas. Et quiconque aura appris afin d'enseigner dans les instituts, pour s'adonner à délivrer la fatwa, pour s'en vanter, et par ostentation, a certes alors manifesté ostensiblement sa sottise et a agi de manière vaniteuse, il se mettra alors en avant et la fatuité causera sa ruine. Ici, l'imam al-Dhahabi fait référence au grand nombre d'individus qui ont proclamé la vérité, c'est-à-dire qu'ils y ont appelé les gens. Ils auront ordonné le bien, ils ont interdit le mal, mais de par leurs mauvaises intentions lors de l'accomplissement de ces actes, de par leurs mauvaises intentions et leur amour du leadership les ayant poussés à agir de la sorte, c'est-à-dire qu'ils ont été motivés par l'amour du statut, du prestige et du leadership, alors en conséquence, Allah a fait que le mal les atteint par des gens qui parviennent à les dominer. Cependant, le cheikh, hafadahullah ta'ala, a attiré l'attention sur un point important, qui est que cependant, tout mal qui atteint un prédicateur appelant à la vérité n'est pas un signe de sa mauvaise intention. Ce n'est pas toujours un signe de sa mauvaise intention. Il se peut que le mal qu'il atteint soit dans le but d'augmenter chez ce serviteur sa piété, sa dévotion religieuse dans l'adoration qu'il voue à Allah, et que ce soit une cause d'élévation pour lui auprès d'Allah. Tout comme ceci peut être un châtiment qui résulte de par la corruption de son intention. Cependant, on ne doit pas avoir une mauvaise intention envers un prédicateur qui est éprouvé. C'est-à-dire que lorsque l'on voit un prédicateur appelant la sunna et que l'on voit qu'il est éprouvé, on ne doit pas se dire automatiquement que ceci est dû à sa mauvaise intention, tant que n'apparaît de lui que la droiture. Et l'imam al-Dhahabi, rahimahullah, a fait allusion ici à celui qui viendra apprendre le savoir afin d'enseigner dans les instituts, c'est-à-dire celui qui a cherché à acquérir le savoir afin d'obtenir des biens de ce bas monde par l'enseignement, c'est-à-dire obtenir un salaire. Et cet individu l'a décrit en disant qu'il a certes manifesté sa sottise et a agi de manière vaniteuse. Il se mettra alors en avant et la fatuité causera sa ruine. Ensuite, le cheikh a mentionné la parole de l'imam al-Dhahabi dans la mention de la biographie qu'il fit de l'imam Abdullah ibn Wahb al-Misri, le grand savant d'Égypte de son époque, qui a dit: je m'étais engagé solennellement à jeûner un jour pour chaque médisance que j'aurais accomplie, mais je me suis épuisé dans cela. Le cheikh explique, c'est-à-dire que cet homme de science, chaque fois qu'il tombait dans la médisance à l'égard d'un individu, s'engageait à jeûner un jour en compensation de cela. C'est-à-dire du fait qu'il faisait son autocritique, sa remise en question, son introspection, et s'affairait à la réforme de sa propre personne. Et donc, dans cette narration, il mentionna ensuite qu'il s'engagea solennellement ensuite, après s'être fatigué à jeûner en compensation à chaque fois pour qu'il accomplissait une médisance, qu'il s'engagea solennellement à donner un dinar en aumône à chaque fois qu'il médisait. Et par amour envers le dinar, il finit par délaisser la médisance. Et cet homme était un imam des gens de la Sunna en Égypte à son époque. Il fut même parmi les rapporteurs du hadith, qui sont des rapporteurs du hadith mentionnés dans le Sahih de l'imam al-Bukhari. Et donc, il a, de par son inclinaison envers l'argent, délaissé ce péché qui était la médisance. Il est parvenu à la rectification de son âme par ce biais. Et le cheikh attira l'attention sur le fait que l'âme, aimant naturellement l'argent, il cessa la médisance. Et donc l'âme a une inclinaison naturelle envers l'argent. Et ceci n'est pas blâmable en soi. Cependant, l'amour et l'inclinaison envers l'argent devient alors blâmable si cet amour éprouvé envers l'argent pousse celui qui l'éprouve à acquérir des biens par des voies illicites, ou ceci le pousse à s'abstenir de s'acquitter des droits qui lui incombent, ou si ceci le détourne de l'au-delà. Dans ces cas-là, l'inclinaison que la personne ressent vis-à-vis des biens est de l'ordre du blâmable. Et en commentaire de cette anecdote rapportée par l'imam al-Zahabi, l'imam al-Zahabi fit un commentaire concernant cette anecdote qu'il rapporta de l'imam Abdullah ibn Wahb al-Misri, rahimahullah, en disant: Par Allah, ainsi étaient les savants, et ceci est un des fruits du savoir bénéfique. Cheikh Badour, hafidhahullah ta'ala, nous expliqua, c'est-à-dire qu'ils font leur autocritique. Les ulémas se remettent en question, cherchent à se réformer, qu'ils reconnaissent leurs fautes et leurs manquements. Et comme il l'a mentionné, ceci fait partie du savoir, des fruits du savoir bénéfique. Et l'imam al-Zahabi, rahimahullah, avait dit, et ceci du fait que la science bénéfique parvient à atteindre le cœur. Et il mentionna ensuite le athar de l'imam, du grand compagnon, du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Mas'ud, qui avait mentionné, il y a des gens qui lisent le Coran. Il y a certes parmi les gens ceux qui lisent le Coran, mais dont la récitation ne dépasse pas leur gorge. Mais si le Coran parvient au cœur et qu'il s'y enracine, alors la personne bénéficie de cela. Il mentionna alors la parole de l'imam Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, Hassan al-Basri, le grand savant de l'Irak, dans la narration dans laquelle il expliqua que la science était de deux catégories: la science de la langue et la science du cœur. La science de la langue est la preuve établie par Allah à l'encontre de son serviteur, tandis que la science du cœur, c'est la science qui est bénéfique. Et le cheikh développa en expliquant que la science de la langue, c'est ce que l'être humain prononce ou entend comme parole de science, mais qui n'atteint pas son cœur, c'est-à-dire qui ne l'affecte pas. Et mais que cette parole qu'il entend ou qu'il prononce ne lui laisse aucune excuse devant Allah, car la vérité lui est parvenue. Tandis que la science du cœur, c'est la science bénéfique qui atteint le cœur, ayant un impact, le réformant, le purifiant. Et ceci est le savoir bénéfique. Et donc le cheikh se mit à aborder les signes distinctifs du savoir bénéfique. Parmi eux, le fait que celui qui l'acquiert convoite l'au-delà et se dispense et se détourne de ce bas monde. Il n'est pas infatué par ce bas monde, il n'est pas obnubilé par ce bas monde. Son cœur n'y est pas attaché et son cœur ne lui accorde pas une grande importance. Ceci est la réalité du zuhd, de l'ascétisme, le délaissement ou le détournement à l'égard de ce bas monde. Donc l'individu qui a acquis le savoir qui lui a été bénéfique, son cœur n'est pas attaché à ce bas monde, son cœur n'est pas préoccupé par ce bas monde, et son cœur ne lui accorde pas une grande importance. Et tandis que celui qui a une science qui ne lui a pas été bénéfique, on va le voir que son cœur est attaché à ce bas monde, préoccupé par lui, et lui accordera une grande importance et fera de ce bas monde son critère décisif et décisionnel. Et la personne qui a concrétisé l'ascétisme juste dans sa vie, il se peut qu'il soit très riche, mais il est ascète. Il se passe de ce bas monde et n'est pas infatué par lui. Donc de ce fait, il interagit avec les biens qu'il a, mais son cœur n'y est pas attaché. Son cœur est attaché plutôt à l'au-delà. Il utilise ses biens dans la pratique religieuse et dans la dévotion religieuse envers Allah. Il utilise ses biens pour maintenir les liens de parenté. Et son cœur reste attaché à l'au-delà malgré ses biens qu'il possède. Et donc, dans ce contexte-là, le cheikh fit la mention de la parole de l'imam Ibn al-Qayyim, dans laquelle il mentionna que Omar Ibn Abdelaziz était désigné comme un modèle dans le sujet de l'ascétisme et le délaissement de ce bas monde, bien que les coffres des biens des musulmans étaient sous son contrôle. Et donc, la réalité du zuhd, la réalité de l'ascétisme et du détournement de ce bas monde, c'est que le cœur soit attaché à l'au-delà et détourné de ce bas monde. Et donc celui qui l'a concrétisé ne se réjouit pas excessivement de ce qui lui parvient dans cette dunya et ne s'afflige pas et ne s'attriste pas concernant ce qui lui échappe de ce bas monde. Il mentionna donc la narration de Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, dans laquelle il avait mentionné que certes le faqih, c'est-à-dire celui qui a de la compréhension dans sa religion, c'est celui qui se détourne de ce bas monde et qui désire l'au-delà. Et que le clairvoyant dans sa religion, qui est clairvoyant de par la connaissance qu'il a de sa religion, est celui qui est constant dans la pratique religieuse qu'il voue à son Seigneur. Et donc, parmi les manifestations du zuhd, de l'ascétisme, du détournement à l'égard de ce bas monde, le fait que celui qui le concrétise ne va pas chercher le prestige, le statut ou le leadership, et également ce qui est relatif à la quête des biens. Il mentionna ensuite une narration de l'imam Ibn Rajab al-Hanbali dans son fameux livre La supériorité de la science des prédécesseurs par rapport à la science des successeurs, ce noble livre dans lequel il mentionna que parmi les signes du savoir bénéfique, le fait que le savoir bénéfique oriente celui qu'il a acquis à fuir ce bas monde. Et ce qui s'y trouve de plus grandiose, à savoir le leadership, ainsi que la célébrité. Et de ce fait, le fait de s'en écarter et de chercher à les éviter fait partie des signes du savoir bénéfique. Méditons donc sur les paroles de ce grand imam. Donc la personne qui a concrétisé le zuhd ne cherche pas à obtenir le leadership, le prestige et à prendre les devants. Et l'imam Ibn Rajab al-Hanbali, dans la suite de cette narration, mentionne, et si ceci survient sans qu'il ne l'ait voulu ou décidé, c'est-à-dire sans que ceci ne soit de son fait, alors celui à qui cela arrive est alors pris de peur vis-à-vis du châtiment et de la conséquence. Dans le sens où le cheikh explique que si une personne a enseigné, a prêché, a appelé à l'islam et a transmis l'islam, et qu'il obtient cela, c'est-à-dire la célébrité, malgré lui, il redoute et il craint pour lui-même. Non, tout en restant sincère. Il redoute que cette célébrité soit un stratagème de la part d'Allah ou une voie par laquelle Allah le mènerait vers sa destruction. Donc il reste aux aguets. Il redoute que ceci soit une cause de perte pour lui et de ruine pour lui. Et l'imam Ibn Rajab al-Hanbali dans cette narration a mentionné un exemple dans cela. Il y en a à l'instar de l'imam Ahmed, qui redoutait pour lui-même et qui craignait pour lui-même lorsque son nom est devenu répandu et propagé parmi les gens, c'est-à-dire qu'il fut un homme qui devint célèbre. Et donc, l'individu doit redouter la célébrité, ne pas chercher à l'acquérir. Et s'il est l'objet de la célébrité et qu'il devient célèbre, il doit craindre pour lui-même, rester aux aguets. Et l'imam Ahmed, rahimahullah, avait dit, comme le cheikh l'a mentionné, l'imam Ahmed avait dit, je fus éprouvé par la célébrité. Et donc, si une personne devient célèbre par le fait qu'il s'est livré à l'activité du prêche, l'appel à Allah, l'enseignement de l'islam, et qu'il devient célèbre, et qu'il est du nombre des gens de piété et des gens du bien, alors lui, quant à lui, il doit lutter pour rester sincère, il doit lutter pour être sincère envers Allah dans l'accomplissement de cet acte. Et quant aux autres qui sont témoins de cela le concernant, qui observent cela, ils doivent garder une bonne opinion envers lui et ne doivent pas se dire qu'il a cherché à obtenir cette célébrité, qu'il avait ce genre d'intention-là. On doit garder la bonne intention envers nos frères parmi les adeptes de la sunna, qui appellent à la sunna. Ensuite, le cheikh mentionna que parmi les signes du savoir bénéfique, le fait que celui qui l'acquiert ne prétende pas avoir beaucoup de science et qu'il ne s'en vante pas auprès de qui que ce soit. Et ceci fut mentionné par Ibn Rajab dans son livre, dont la mention fut faite précédemment. Donc la personne qui a acquis le savoir qui est bénéfique ne s'en vante pas et n'affilie pas l'ignorance à qui que ce soit en disant qu'un tel est un ignorant. À l'exception de l'opposant à la sunna, s'étant opposé à la sunna et aux adeptes de la sunna et s'étant obstiné et fanatisé pour son innovation et son égarement. Alors, dans ce cas-là, on s'exprime à son encontre de par la colère que l'on éprouve vis-à-vis d'Allah, yani par rapport à Allah, c'est-à-dire, Yanni, je rectifie ma traduction. La colère que l'on éprouve pour Allah à l'égard et à l'encontre de cet individu, et ce n'est pas une colère que l'on éprouve par rapport à nos propres personnes. Donc la personne ayant concrétisé cette noble approche et cette noble manière de pratiquer la religion qui est le fait de ne pas se vanter, donc la personne qui la concrétise ne se vante pas de son savoir. Ne rabaisse pas autrui, ne méprise pas autrui. Et si une personne a acquis du savoir, c'est-à-dire qu'une autre personne a acquis du savoir, elle se réjouit de cela. Et si cette personne qui a acquis du savoir est apte à prêcher et à transmettre l'islam, si lui aussi se met à transmettre et à prêcher à l'islam, alors il s'en réjouit. Il se réjouit du fait que l'islam est propagé, du grand besoin qui est ressenti par la communauté vis-à-vis de l'apprentissage et l'acquisition du savoir. Et il donc aime que le bien et le savoir de l'islam se propage parmi les gens. Et le fait de vouloir que le bien soit propagé et que le bien atteigne autrui, ceci est un signe de la rectitude de l'intention. Et que cet individu, donc, qui éprouve ce sentiment, a bénéficié de son savoir. Et le djehl, c'est-à-dire l'ignorance, n'est affilié qu'à celui qui s'était opposé à la sunna et à ses adeptes, se fanatisant pour son innovation et propageant ses ambiguïtés. Alors, dans ce cas-là, il faut qu'il s'exprime à son encontre. Pour Allah et non pas par rapport à sa propre personne ou souhaitant élever sa propre personne par ce biais. Et un homme parmi les pieux prédécesseurs de cette communauté avait dit, concernant le sujet de l'humilité, qu'il convient au savant de déverser du sable sur sa tête en tant qu'acte d'humilité envers son Seigneur. C'est-à-dire afin qu'il ne soit pas vantard et imbu de sa propre personne. Et donc celui qui a reçu le savoir bénéfique ne s'en vante pas, ne rabaisse personne, et reconnaît la vertu et les mérites des gens de vertu et de mérite. Tandis que celui qui n'aura pas tiré profit de son savoir, on verra qu'il est omnibulé par sa personne. Il est infatué de sa personne, ne reconnaissant que sa vertu. Et ceci va le pousser à être injuste et à tomber dans l'injustice et la transgression à l'égard d'autrui, s'exprimant à l'encontre de ses frères sans raison légitime, ou à affirmer à leur égard ce qui n'est que pure calomnie. Il mentionna également que parmi les signes du savoir bénéfique, le fait que celui qui a acquis le savoir bénéfique a une piètre opinion de lui-même, c'est-à-dire qu'il ne se tient pas en haute estime. Donc il a une piètre opinion de sa propre personne, mais il reconnaît le mérite et la vertu des autres. Il mentionna la parole de Abdullah ibn Mubarak, dans laquelle il fut rapporté que si étaient mentionnés les nobles comportements des gens illustres parmi les prédécesseurs, il émulait parfaitement le contenu d'un passage poétique disant, dont le sens en français mentionne, ne nous mentionne pas alors que leur mention est faite, car celui qui est valide et qui marche n'est pas similaire à celui qui est contraint à rester assis. Et donc, celui à qui Allah aura permis de bénéficier de son savoir aura donc une piètre opinion de sa propre personne, mais aura une bonne opinion et une haute estime des autres. Et donc, si une personne viendrait de par le fait qu'il s'est livré à l'activité du prêche, de l'enseignement de l'islam et de son appel à la vérité, s'il viendrait à être éprouvé de par cette activité, il persiste et reste constant dans le prêche et l'appel à Allah, tout en faisant son introspection, son autocritique, sa remise en question, en étant diligent envers la rectification de sa propre personne. Et parmi les signes distinctifs du savoir bénéfique, le fait que celui qui l'a acquis fait des efforts afin de ne rien avoir dans son cœur à l'encontre de ses frères, dans le sens où il ne les jalouse pas et il ne les envie pas de manière blâmable. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, a mentionné que parmi les signes de celui qui a acquis le savoir bénéfique, c'est que c'est celui qui ne jalouse pas celui qui le surpasse, c'est-à-dire celui qui est au-dessus de lui. Donc celui qui a acquis le savoir bénéfique, c'est celui qui ne jalouse pas celui qui le surpasse. Il est celui qui ne se raille pas, c'est-à-dire qui ne se moque pas, qui ne se raille pas de celui qui est en deçà de lui. Et il est celui qui ne reçoit aucun salaire pour son savoir. Concernant la jalousie, le cheikh expliqua que la jalousie, c'est le fait d'espérer la perte du bienfait qui fut octroyé à autrui. C'est-à-dire que quelqu'un a reçu un bienfait et que l'on souhaiterait qu'il le perde. Ceci est la jalousie. Et c'est quelque chose de blâmable. Et il mentionna concernant la moquerie, c'est-à-dire que la moquerie, celui qui se distance de ce genre de comportement ne se raille pas de celui qui est en deçà de lui, c'est-à-dire celui qui est plus modeste en termes de science que lui, qui a un rang plus bas que le sien dans le monde scientifique, ou celui qui est plus jeune que lui, ou celui qui a un statut social moindre que le sien, ou celui qui est d'une naissance modeste, c'est-à-dire qui n'a pas une lignée de noble. Et concernant le fait qu'il ne reçoit aucun salaire pour sa science, c'est-à-dire que la personne qui a acquis le savoir bénéfique ne cherche pas à l'acquérir pour gagner sa vie par ce biais, c'est-à-dire à apprendre le savoir pour ensuite obtenir un salaire, de par ce qui découlerait de son acquisition scientifique. Et le cheikh expliqua que concernant la jalousie, toute personne peut avoir à un moment donné des pulsions de jalousie qui émanent de lui, c'est-à-dire au fond de sa propre personne. Mais on se doit de repousser ses pensées. Et il mentionna la narration d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans laquelle il avait dit que nul corps n'est exempt de jalousie, cependant le noble dissimule cela. Donc le cheikh expliqua que donc, si tu as des pensées de jalousie à l'égard de quelqu'un, repousse-les, combats-les et pense, remémore-toi les qualités que possède cet individu vis-à-vis duquel tu éprouves une certaine forme de jalousie et invoque en sa faveur jusqu'à ce que soit repoussé de toi et que tu aies remédié à ce problème concernant ce que tu éprouves dans ton cœur. Et le cheikh avait expliqué, hafidhahullah ta'ala, que la personne qui jalouse, en vérité, a une contrevenance avec le destin. En effet, la personne qui jalouse quelqu'un est en désaccord avec le décret d'Allah, car Allah lui avait prédestiné cela, qu'il allait lui accorder cette grâce pour laquelle il le jalouse. Donc la personne qui éprouve de la jalousie et qui ne remédie pas à ce problème, alors a une contrevenance dans son cœur vis-à-vis de la foi dans le destin, c'est-à-dire par rapport au décret d'Allah. Également, donc, fait partie des signes distinctifs du savoir bénéfique le fait que celui qui l'acquiert est loyal envers autrui, dans le sens où il veut le bien pour les adeptes de la sunna, il les aime et il souhaite pour le bien à leur égard. Et il cache leurs défauts. Ça, c'est concernant les adeptes de la sunna. Mais concernant l'innovateur obstiné, fanatique, qui s'est fanatisé sur l'accomplissement de son innovation, alors on avertit contre lui et on dévoile ses œuvres. Et donc le cheikh a expliqué que la science bénéfique est source de tout bien. Et en découlera l'œuvre pieuse qui est en conformité et qui sera la mise en application du Coran et de la Sunna. Et inversement, la science qui n'est pas bénéfique, ceci se manifestera chez celui qui ne bénéficiera pas de ce savoir par le fait qu'il n'œuvrera pas pieusement, mais il agira en opposition au Coran et à la Sunna. Il sera prompt à accomplir le blâmable et les désobéissances. Et quand bien même les gens profiteraient de lui, c'est-à-dire une personne qui aurait acquis le savoir, qui est en lui-même bénéfique, mais qui ne lui est pas bénéfique à lui-même, qui n'en tire pas les fruits lui-même, s'il viendrait à l'enseigner à autrui, les gens bénéficieraient de lui. Les gens bénéficieraient de son savoir, mais quant à lui, lui n'en bénéficierait pas. Alors il serait à l'image d'une chandelle qui éclaire les gens par le fait de se consumer lui-même. Et donc il nous incombe donc d'être des gens qui font des efforts dans le fait de lutter contre nos propres personnes afin de concrétiser et de se parer de ces nobles comportements qui sont les comportements des gens de science. Et que nous fassions la même chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que nous imitions le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir que il était celui qui a incité ses compagnons à demander à Allah la science bénéfique et à demander à Allah d'être préservé d'une science qui ne bénéficie pas. Et il était celui dont il fut rapporté, alayhi salatu wasalam, qu'il invoquait son Seigneur tabaraka wa ta'ala en disant: Ô Allah, je te demande la protection, je te demande la préservation contre une science qui ne bénéficie pas. Et avec ceci, le cheikh fit la conclusion de son assise et de son allocution. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire bénéficier de ce qu'il nous a enseigné et qu'il nous enseigne ce qui nous sera bénéfique, et qu'Allah nous préserve une science qui ne nous sera jamais bénéfique, qu'Allah nous permette d'acquérir une science qui sera une preuve en notre faveur yawm al-qiyamah et non pas à notre encontre, et qu'Allah nous accorde à tous une bonne fin. Hada wa subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. Wa jazakoum Allah khairan, Bilal, pour cette allocution et pour vos efforts. Wa barakallahu fikoum. Avant de conclure cette conférence, je vous annonce qu'un séminaire va être organisé, inshallah, le week-end prochain. Ça se passera sur 2 jours, avec comme enseignant le Cheikh Ahmed Badouhan, hafidhahullah. Et nous allons rapidement partager le programme, inshallah, dans les prochains jours. Et je vous rappelle également que le centre propose des cours de langue arabe pour les débutants. Plusieurs classes sont ouvertes pour les inscriptions et les cours devraient commencer au mois de septembre, Inch'Allah. Et donc pour cela, je vous invite à consulter le site internet du centre. Et il y a notamment la prochaine session de l'étude du Matan al-Ajlumiyya avec le Cheikh Badouhan en personne. Les inscriptions sont également ouvertes. Et sur ce, je demande à Allah Azza wa Jal qu'il vous préserve tous. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته